Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. La foule et ses folies, ses paniques, comme celles qui ont été, hélas, observées lors du pèlerinage de la Mecque, c'est le Super Fail de la semaine. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. Mehdi Moussaïd, bonjour. Bonjour Guillaume. Vous êtes chercheur à l'Institut Max Planck à Berlin en sciences cognitives et vous avez publié un ouvrage passionnant intitulé « Fouloscopie, ce que la foule dit de nous » car vous étudiez la foule et j'aimerais que vous nous expliquiez ce qui s'est déroulé à la Mecque. Il y a eu plusieurs mouvements de foule parce que on imagine que lors de ce pèlerinage, il y a une densité de population énorme, mais certaines catastrophes ont été particulièrement meurtrières. Expliquez-nous dans quel contexte, justement, des mouvements de foule peuvent devenir meurtriers. Oui. Alors, il faut savoir que la Mecque, c'est vraiment un lieu incontournable quand on est un spécialiste de la foule comme moi. J'ai l'habitude de dire, par exemple, avec mes collègues, que les archéologues ont les pyramides de Gizeh, les biologistes, ils ont la jungle amazonienne. Et ben nous, les foulologues, entre guillemets, on a le pèlerinage de la Mecque. C'est vraiment un endroit énorme. Donc, on a environ 3 millions de pèlerins qui vont se réunir chaque année dans ce lieu saint pendant une courte durée de 5 jours et qui vont tous suivre un même trajet préétabli, donc une sorte de rituel religieux. Donc vous avez effectivement plusieurs millions de personnes qui se déplacent au même endroit, au même moment. Et ça, ça va créer des niveaux de densité très importants. Donc le niveau de densité, c'est par exemple quand on est dans les transports en commun et qu'on commence à se sentir un petit peu mal, bon, on dit qu'il y a entre 3 et 4 personnes par mètre carré. Eh bien à la Mecque, on observe régulièrement des niveaux de densité qui sont autour de 6, 7, 8 personnes par mètre carré. Mmh. Le niveau de densité le plus important qu'on ait jamais observé, c'était à la Mecque, il était de 10 personnes par mètre carré. Donc je vous laisse imaginer à quel point... 10 personnes au mètre carré. 10 personnes au mètre carré, ouais. Et effectivement, la Mecque, c'est aussi malheureusement connu pour être l'endroit record des plus gros mouvements de foule. Le plus important, le plus meurtrier qui ait jamais été observé, c'était en 2015. Et il a fait... environ 2300 victimes. Et oui, ce qui est énorme. À partir de quand la densité dans une foule devient-elle une densité létale, mortelle ? Ouais, exactement. Alors ça, c'était étonnamment, c'est quelque chose qui n'était pas très bien connu jusqu'à 2006. Et en 2006, il s'est passé quelque chose. C'était un nouveau mouvement de foule, à nouveau à la Mecque, qui a fait cette fois-ci 360 victimes environ. Et il se trouve que ce mouvement de foule a été enregistré par des caméras de surveillance, qui était particulièrement bien placé. Et les vidéos de cet enregistrement se sont retrouvées sur notre bureau, dans nos laboratoires de recherche. C'était à Zurich, à l'époque j'étais doctorant, et on a pu analyser très précisément ce qui se passait. Et on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement un niveau de densité critique, qui se situe autour de 6 personnes par mètre carré, à partir duquel il va y avoir des phénomènes collectifs qui vont se mettre en place, et en particulier un qui s'appelle des turbulences, et qui est explicable avec de la physique. C'est-à-dire que avant, le comportement de la foule, c'est principalement des sciences comportementales, de la psychologie, des sciences cognitives. Mmh. On va chercher à savoir comment se comportent les gens, qu'est-ce qu'ils pensent. À partir d'un certain niveau de densité, ça devient de la physique, parce que les gens se touchent et ils sont plus libres de leurs mouvements et ils répondent tout simplement aux pressions physiques de leurs voisins. Et donc, à partir de ce niveau de densité, déjà, on va changer de discipline, hein. On va commencer à utiliser les outils de physique, donc on va utiliser par exemple des équations de mécanique des fluides ou bien encore la dynamique des mouvements de grains de sable par exemple, et on va réussir à comprendre ce phénomène de turbulence qui est donc caractérisé par des vagues de bousculades qui vont se propager à travers la foule. Le mécanisme est très simple, hein, c'est juste parce que je suis en contact physique avec mes voisins. Si j'ai mon voisin de droite qui me bouscule, je vais tomber sur mon voisin de gauche qui va lui-même bousculer son voisin de gauche, etc. Mais alors, Mehdi Moussaïd, pour qu'on comprenne bien, alors, d'abord, la densité, donc, vous parliez de 6 personnes au mètre carré, vous évoquez dans votre livre Fouloscopie des densités supérieures, peut-être donner aussi des représentations, vous parlez du nombre de personnes dans une baignoire, pour qu'on essaye de se représenter ce que ça veut dire aussi. Oui, absolument. Souvent ce niveau de densité, il est pas très explicite pour les gens. Donc, bon, j'ai l'habitude de dire, par exemple, que dans les transports en commun, on est autour de 4. Donc ça, c'est quelque chose dans les transports en commun bondés, on est autour de 4. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut connaître dans notre vie quotidienne. Et puis, pour avoir une petite image comme ça, vous imaginez une quinzaine de personnes qui sont debout dans une baignoire. Et ben là, vous avez à nouveau des niveaux de densité qui sont proches de ce qu'on peut observer à la Mecque. Ouais. Donc là, ça n'est plus supportable. Ensuite, quand vous parlez de turbulence. Est-ce que ça veut dire que la foule en tant que telle, lorsqu'on atteint des niveaux de densité de ce type, est-ce qu'on a affaire à des situations qui sont potentiellement catastrophiques, donc avec des risques de mort par étouffement, ou bien est-ce qu'il faut ensuite un événement exogène, comme par exemple une panique? Alors là, dans ce moment, il y a une partie de la foule qui veut s'enfuir. Est-ce qu'il faut ce type de mouvement, Mehdi Moussaïd? Non, le seul fait que l'on atteigne un niveau de densité critique est suffisant pour causer un accident et des décès. Donc à partir du moment où les turbulences se mettent en place, le niveau de densité va avoir tendance à s'accroître parce que les individus vont de plus en plus se tasser les uns contre les autres, particulièrement à cause de ces vagues de bousculade. Et ça, seulement ça, va entraîner des niveaux de compression qui ne sont pas supportables par le corps humain et donc des décès, des victimes par asphyxie. Comment vous expliquez que la densité tend à s'accroître, puisque c'est ce que vous expliquez, comment cela se fait-il? Donc, au début, le fait d'arriver à un niveau de densité critique, c'est un problème de planification, un problème de logistique. Et c'est quelque chose qui est assez difficile à maîtriser en réalité pour un organisateur, parce que si vous regardez le nombre de personnes que vous avez sur votre site et que vous le divisez par l'espace disponible, vous allez avoir un niveau de densité qui est trompeur, parce qu'il va être trop faible, parce qu'en réalité les gens ne sont pas répartis de manière homogène sur le site. Il va y avoir des zones particulières, comme des goulots d'étranglement par exemple, devant lesquels, au sein desquels vont s'accumuler les gens, et ça va créer des densités qui augmentent. Par exemple, à la Mecque, vous avez un passage qui est particulièrement dangereux, qui est un pont, qui s'appelle le pont de Jamarat. Oui, vous évoquez ce pont, il faut le décrire, Mehdi Moussaïd. Oui, absolument. Alors, jusqu'en 2006, c'était un pont qui était, bon, disons, assez grand, et c'était un passage assez facilement imaginable, sauf qu'il y a tellement de monde qui essaie de passer au niveau de ce pont en même temps, qu'à l'entrée du pont, à l'embouchure du pont, pour ainsi dire, le niveau de densité peut atteindre des pics très localement qui vont largement atteindre les seuils critiques de densité. Alors en 2006, les autorités saoudiennes se sont dit que cet endroit était beaucoup trop dangereux et qu'il fallait faire quelque chose. Elles ont tout simplement détruit le pont pour en construire un nouveau qui est beaucoup plus grand, mais vraiment beaucoup plus grand. C'est-à-dire que quand vous voyez des photos de ce pont, vous ne reconnaissez même pas un pont, vous pensez que c'est un aéroport. C'est vraiment gigantesque. Il est divisé en 4 étages. Et c'est un pont qui conduit à un lieu saint qui s'appelle les stèles de Satan, bref. Et effectivement, ça marche mieux d'avoir un endroit beaucoup plus large. Mais en parallèle, le nombre de pèlerins qui est présent à la Mecque augmente aussi progressivement. Donc le nouveau pont a été construit en 2006. Et pendant quelques années, le pèlerinage de la Mecque n'a pas connu d'accident. Donc on a eu une période plutôt calme. Sauf qu'en 2015, on a eu un nouvel accident, cette fois-ci qui était le plus meurtrier jamais enregistré. Donc comme je vous le disais, environ 2300 victimes. Et cet accident s'est produit à nouveau à l'entrée du pont de Jamarat. Pourquoi ? Tout simplement parce que le nombre de personnes a continué à augmenter. Le pont a été plus large, mais le nombre de personnes a continué à augmenter. Et à l'embouchure de ce pont, eh bien, on a des dynamiques collectives qui sont très difficiles à maîtriser. On ne maîtrise pas très bien le fait que le certain nombre de personnes arrivent en même temps. Donc aujourd'hui, ce qu'on recommande aux organisateurs de la Mecque et puis des grands rassemblements d'une manière générale, c'est vraiment une planification quasi chirurgicale. Il faut savoir absolument combien de personnes vont passer à chaque endroit du site à n'importe quel moment. Et ça va permettre de maîtriser les niveaux de densité pour éviter qu'ils n'atteignent ce seuil critique. Est-ce qu'il y a, lorsqu'on conçoit un stade, j'imagine qu'on réfléchit à cela, enfin tous les lieux qui reçoivent énormément de public, est-ce qu'il y a des règles, Mehdi Moussaïd, que l'on conseille de suivre à ces personnes qui conçoivent des édifices recevant énormément de monde au même moment? Oui, il y a des règles qui sont définies à nouveau en termes de niveau de densité. C'est, comme je le disais tout à l'heure, juste difficile de maîtriser la densité qui va effectivement se produire, parce que même avec, disons, juste une centaine de personnes, si elles tentent toutes les 100 personnes de passer au même endroit au même moment, eh bien vous allez avoir des pics de densité. Donc ce qu'on recommande maintenant aux organisateurs, c'est d'utiliser des logiciels de simulation, de la même manière qu'on pourrait faire des prévisions météorologiques, on va faire des prévisions de foule. On va essayer de voir, ok, si on a un flux entrant d'une telle intensité qui se répartit sur le site, où vont se trouver les différents pics de densité. Et ces logiciels sont construits à partir d'un modèle, ils font des prédictions à partir d'un modèle, et ce sont ces modèles qu'on essaie de développer en laboratoire. Et qu'est-ce que cela donne? Alors, est-ce que donc les catastrophes qui ont hélas endeuillé le pèlerinage de la Mecque, est-ce que ces catastrophes ont abouti à des réformes qui aujourd'hui sont de nature à sécuriser le lieu? Comment ça se passe? Oui, oui. En 2006, donc c'est l'année où le pont a été reconstruit, par exemple. Il n'y a pas eu seulement ce pont, il y a eu énormément de choses. Donc il y a eu à nouveau un énorme effort en termes de planification. Donc avant, le pèlerinage de la Mecque, c'était quelque chose qui était un petit peu sauvage, un petit peu improvisé. Vous aviez des pèlerins qui arrivaient, qui dormaient là où ils le voulaient. Ceux qui pouvaient dormir dans un hôtel, dormaient dans un hôtel. Les autres dormaient à même la rue, donc ça créait un encombrement supplémentaire. Aujourd'hui, tout ça, c'est interdit, c'est absolument planifié. Il y a des voies unidirectionnelles. Donc, par exemple, les pèlerins ne peuvent se déplacer que dans une seule direction, dans une rue donnée. Donc, il y a des rues qui vont dans cette direction et il y a des rues qui vont dans la direction opposée. Il y a aussi des tickets de passage. Donc, les pèlerins ne peuvent pas aller où ils veulent, quand ils le veulent. Ils doivent y aller à un certain horaire qui est indiqué sur leur ticket. Donc ça permet d'avoir une meilleure maîtrise du flux, un meilleur contrôle, une meilleure planification de qui se trouve où, à quel moment, et donc de la densité. Et oui, alors donc ouais. Là vous gérez, pardon, je vous ai coupé, Mehdi Moussaïd. Donc là vous gérez en fait les flux, mais alors j'imagine que ce qui pose problème dans la fouloscopie, donc cette discipline dont vous êtes l'un des représentants, Mehdi Moussaïd, vous qui êtes chercheur à l'Institut Max Planck à Berlin, j'imagine que ce qui pose problème sont les paniques. Alors, étonnamment, c'est quelque chose qui pose relativement peu de problèmes, parce que les paniques sont plutôt rares d'une manière générale. On a cette idée reçue qui est assez commune d'une foule en panique avec des gens qui deviennent en quelque sorte des animaux sauvages et qui sont prêts à se bousculer pour être les premiers sortis. Mais en réalité, quand on fait des études précises sur des cas d'évacuation qui ont eu lieu, on se rend compte que c'est très largement une idée reçue. Il y a par exemple plusieurs études qui ont été conduites sur l'évacuation du 11 septembre. Donc le 11 septembre, c'est probablement une des évacuations les plus monumentales qui ait jamais eu lieu. Vous avez environ 17 000 personnes qui doivent évacuer deux tours, descendant près de 90 étages à pied sous la menace d'un effondrement imminent. Donc il y aurait vraiment des conditions propres à la panique. Mais en réalité, on se rend compte que les gens n'ont pas paniqué. Au contraire, ils ont fait preuve d'une grande solidarité. Il y a même des études qui ont montré que les gens risquent plus souvent leur vie pendant une évacuation, parce qu'ils essayent d'aider quelqu'un plutôt que parce qu'ils essayent de sortir en premier. Donc en fait, le degré de solidarité et de coopération entre les gens pendant une évacuation d'urgence est extrêmement important. Alors par contre, vous allez me dire quelque chose sur les paniques, je sais, c'est qu'il y a en ce moment une recrudescence d'un mouvement de panique qui est un effet secondaire de la vague d'attentats terroristes qui a eu lieu en France et en Europe de l'Ouest en particulier. Absolument, et je me souviens notamment d'un mouvement de panique qui avait eu lieu après les attentats du 13 novembre en France, sur la place de la République à Paris, et où il y avait eu, d'ailleurs racontez-le nous, Mehdi Moussaïd. Oui, c'était le 15 novembre, donc deux jours après les attentats, vous avez une foule de personnes qui se rassemblent sur la place de la République en hommage aux victimes, et quelque chose se passe, d'une nature encore assez indéterminée, c'était probablement un bruit de pétard, qui fait que quelques individus ont commencé à paniquer et à fuir, et ces individus ont entraîné dans leur sillage leurs voisins, qui ont entraîné leurs voisins, et la panique s'est répandue à travers la foule comme une traînée de poudre. C'est quelque chose qu'on a observé à plusieurs reprises ensuite, par exemple en 2017 à Turin, sur la place San Carlo, il y a une diffusion d'un match de football sur un écran géant, et à nouveau, la foule se met à paniquer, pour une raison assez peu comprise, et tout le monde fuit dans une direction, et ça crée des pics de densité tout simplement, parce qu'à partir du moment où vous avez une énorme foule qui va se rassembler dans un endroit ou dans une direction donnée, eh bien la densité va augmenter. À Turin en particulier, il y a eu une victime. On a eu un autre mouvement de panique récemment, c'était à Nice sur le cours Saleya, absolument, pour la décision d'un match de football qui s'est soldé par quelques blessés. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est assez récent et qui est une conséquence immédiate de la peur qu'ont les gens des attentats terroristes, qui est encore très très frais, très récent dans leur esprit. Et donc c'est vraiment contextuel. Et alors justement, qu'est-ce que vous en tirez, vous qui étudiez les mouvements de foule, Mehdi Moussaïd ? Ce que je trouve intéressant, c'est que une des façons de décrire ces mouvements de panique est d'utiliser un modèle qui est en fait un modèle animal, un modèle de comportement animal, où on va utiliser des modèles, par exemple, d'esquive d'un banc de poissons qui esquive un prédateur ou d'un troupeau de moutons. Et ce sont des modèles qui sont construits sur une composante d'imitation qui est très importante, où chaque individu va avoir tendance à imiter son voisin très fort. Chez les animaux, ça a des avantages évolutifs très importants, puisque en imitant votre voisin, vous vous mettez à l'abri des attaques de prédateurs. Les gazelles, par exemple, dans la savane, sont très fortes pour ce genre d'esquive collective. Eh bien, ce genre de modèle peut être en réalité retransmis sur les piétons dans le cas d'une panique et permet de prédire très précisément ce qui va se passer. En revanche, plus la mémoire de l'attentat terroriste s'éloigne, moins le modèle sera fiable et plus les gens vont commencer à se comporter moins de façon imitative et plus de manière, disons, rationnelle. Dernière question, Mehdi Moussaïd, des conseils, si on est justement dans une foule avec ces densités, des densités qui peuvent devenir oppressantes. Oui, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'en général, les chercheurs donnent toujours des conseils aux organisateurs de ces grands rassemblements. Mais moi, mes proches et mes amis, ils me demandent toujours des conseils pour eux. Et c'est pas du tout la même chose. Alors, effectivement, j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, oui, effectivement, il y a des choses que vous pouvez faire, vous, si vous vous retrouvez piégé dans un mouvement de foule. Le premier conseil serait, par exemple, de garder l'équilibre à tout prix. C'est très important parce que si vous tombez, la proximité des individus est telle que vous allez faire chuter vos voisins qui peuvent chuter sur vous, ça va vous empêcher de vous relever, c'est une situation très dangereuse. Alors essayez de garder l'équilibre tant que vous pouvez. Un second conseil serait par exemple de vous éloigner des parois solides et des murs parce qu'on se rend compte quand on fait nos analyses que les premières victimes se retrouvent par exemple le long d'un grillage ou le long d'un mur parce que c'est un endroit où on va se retrouver écrasé très facilement. Donc si vous pouvez, éloignez-vous de ces parois. Vous pouvez vous retrouver par exemple au milieu de la foule. C'est pas grave. Il va y avoir des vagues de bousculades qui vont être très désagréables et qui vont vous balloter dans tous les sens. Juste contentez-vous de suivre le flux, ne pas résister au flux par exemple, mais suivre le flux. Si vous vous faites bousculer dans une certaine direction, il faut l'accepter et puis juste aller dans cette direction calmement. Au bout d'un moment, la densité va avoir tendance à se réduire. Donc ça va durer, disons, une dizaine, une vingtaine de minutes à un instant très désagréable, mais c'est le moment où il faut essayer de résister. Et une dernière chose, on peut se faire exfiltrer par le haut. Alors c'est effectivement un conseil que certains de mes collègues ont suggéré, qui consisterait à faire du crowdsurfing, comme on dit, c'est-à-dire que vous pourriez en quelque sorte vous laisser porter par-dessus la foule, de bras en bras. C'est une suggestion que j'aurais tendance à trouver un petit peu dangereuse parce que si jamais la foule qui est en dessous de vous décide de ne plus supporter votre poids, ben vous allez tout simplement chuter et ça pourrait vous mettre dans une situation encore plus critique. Donc ce conseil est peut-être à double tranchant. Merci beaucoup Mehdi Moussaïd de nous avoir exposé les rudiments de la fouloscopie. Fouloscopie, ce que la foule dit de nous, c'est vraiment un excellent livre. Il est publié aux éditions Humaine Science. Merci d'avoir été avec nous. Superfell a été piétiné par Daphné Abgral à la production, gâché par Alex Dang à la technique et surtout dévasté par David Jakubowiez à la réalisation. Superfell.